Yo, wherever you go, wherever you be, the forces of evil that be always trying to keep you down. Brothers, you gotta maintain mentally, spiritually, physically. Keep your head up. Que d'injustice envers les faibles. Les faibles subissent toujours la loi du plus fort. Que d'injustice envers les faibles. Les faibles subissent toujours la loi du plus fort. Maintenant je prends le temps, même si le temps est à l'orage. M'implique, faut que je m'applique une tech à l'abordage. Je parle au nom de ceux qui ne sont jamais entendus. La rue regroupe dans ses recoins des millions d'exclus. Quand t'as de l'argent, tu ne vois plus rien autour de toi. La vie est si belle que ton prochain n'existe même pas. Toute ta vie est réglée, c'est le même schéma tous les jours. Tu tournes comme Schumacher sans faire d'entaille dans ton parcours. Le blème c'est que l'homme a toujours voulu régner sur l'homme. Assoiffé par le pouvoir, les sentiments se gomme. C'est chacun pour sa gueule, chacun pour sa peau. Chacun ne voit que sa gueule dans ce monde de barjo. Yo, j'y vais, ouais. Les plus faibles subissent la loi des plus forts. Si tu n'as rien en poche, dis-toi que tu auras toujours tort. Dans un monde de fous, fais ce qu'il faut pour ne pas compter tout. Garde la tête haute pour ne pas tomber dans le gouffre. Mes yeux ont trop vu de la scar, dormir sur un trottoir. Pris garde, car dans tes poches, les gens hardis fait rare. Je pars pour te faire part de mes opinions. Ébène et solidaire et me suis dans toutes mes actions. Yo, j'ose la voix pour les gars qui vivent dans ce cas. Financièrement, si tu n'as pas de poids, tu n'existes pas. Ceux qui ne m'écoutent pas seront forcés d'entendre l'explosion. Car j'allume la mèche de par mes actions et mes compositions. Que d'injustice envers les faibles. Les faibles subissent toujours la loi du plus fort. Que d'injustice envers les faibles. Les faibles subissent toujours la loi du plus fort. Que d'injustice envers les faibles. Les faibles subissent toujours la loi du plus fort. Que d'injustice envers les faibles. Les faibles subissent toujours la loi du plus fort. Faible n'est pas un faible si son esprit peut rester fort. Il se donne les forces et dans l'effort abat ses remords. Comme moi au microphone, j'impose mes donne comme l'homme donne. Mike Chigan. 1, 2, négros se battent contre l'injustice. Se ruent à l'attaque contre la toile que Babylone tisse. Certains veulent manger pendant que l'argent tombe dans les armes. Celui qui joue avec les armes périra par les armes. Mal, le mal embarre l'esprit de certains. J'ai mal de voir l'action du malin. Certains construisent des tours avec des hauteurs infernales. Or que c'est en bas que des millions de personnes crèvent la dalle. Les tours montent d'en haut, je vois ce qui se passe en bas. J'analyse le panorama s'offrant à moi. Constate que malgré moi, l'injustice règne ici bas. Les mots que je donne ne changeront jamais rien à ça. Nul ne pourra m'obliger à garder le silence. J'avance et mes vertus à exprimer ce que je pense. J'ai l'œil vif, les nerfs à vif et tente d'être objectif. La vérité siffle quand Nero atteint son objectif. Il pratique la vivisection du corps social. Ray de la liste, les gens sans toi qui crèvent la dalle. Peu importe où tu te places, le même type d'histoire se passe. Le jeu est faussé de bord en mental, tu dois faire face. Que d'injustice envers les faibles. Les faibles subissent toujours la loi du plus fort. Que d'injustice envers les faibles. Les faibles subissent toujours la loi du plus fort. Que d'injustice envers les faibles. Les faibles subissent toujours la loi du plus fort. Que d'injustice envers les faibles. Les faibles subissent toujours la loi du plus fort. Que d'injustice envers les faibles. Que d'injustice envers les faibles subissent toujours la loi du plus fort. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah. Ah, les deux nègres. Et Ben et Nero. Ouais, j'en place une pour Villefeuge. Yeah, pour tous les lascars. Pour tous les lascars de la Tilmar. Ouais, rue de Provence. Pour le basique. Yeah. Kiklo, Ben, Steve. Jawad. Ouais, Issa. Une case dédiée aussi pour les Mifa qui me représentent. NDI, Maoku, Mae, Mitrak, Moulet. Big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up. Putain, oh là là, je me suis pêché au dernier jogging ménage à trois là, comme il nique sa race. Oh putain, je sens que ce soir là, il va être trop dégoûté, je suis trop plus beau là, trop grave. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. S Lion S. Ce soir, je vais tous les. Oh là là, un petit son hardcore histoire de commencer la soirée là. C'est déjà bon, je crois. Je crois que ça va déchirer sa race. Ouais, c'est déjà.